Quoi, Tia? T'as rien vu? Quoi, Tia? C'est pas vrai? À Pognouaï. Ah, tu m'en mets. À Pognouaï. Au revoir. Oh, oh, le gars. Le teclier AZERTY est très pratique. Comment la Pognouaï? Oh, je vais au lit. Au lit, je pense. Et puis j'oublie. J'oublie. Tu oublies? Tu m'as oublié? Est-ce que tu m'oublies? Denderesarai. Non. Denderesarai. Non, c'est pas vrai. Chez Nacheresarai, boy. Les carottes, c'est, ça rend aimable. Nacheresarai, ta. Aimable. Agnemandua. La concrétude des faits. Agnemandua. Velouté. Ne guere coma, mandua. Volupté. Le coma tapere. Volupté. Le coma, le chagbaga, le chagbu, le coma u. Compte de 1 à 3. De repota. Repota u. U. T'as déjà compté jusqu'à 3? Ore. Tu sais? Lo u, ure. J'ai oublié. Ore. J'ai encore oublié ma chaussette. Ure. De. Reju ure. She. She. Tu vis à l'anus? She. L'anus? Non. She. Aipota. Non, c'est pas bien. She. Aipota. Aipota. Aipota. C'est de la ride. Aipota. Que je veux. Sous les cheveux. Haupei. Haupei. Aipota. Haupei. Ahecha uwa. Les souvenirs aussi. Les souvenirs se ramassent. À l'appel. Haupe aiko uvature. J'ai plein de copains. Haupe ayapote miu. T'as beaucoup d'amis toi? Jaou te miu. Moi non. Jaou ou? J'aime pas les gens. Jaou ure. Jaha ure. Ils font chier, ils critiquent, ils parlent de. Jaou apu? Je. Apuka ali. Je. Toi et moi. Jaou apu apuka ali. Je. Ore lo jota. Tu joues au foot? Ore. Le foot. Yawatata. Avec un pied, ça, c'est mieux. Ore. Tchajapota tembiu. Moi, j'aime bien courir. Et ore. Puis, je fais des petits sauts parfois. Ore oreata. Et puis, j'aime bien haleter. Aupe. Soubresaut. Aupe yakaruta. Non, arrête. Comment tu peux dire des choses pareilles? Aupe. Des choses ainsi? Comme ça? Assis, tu prends une pomme, tu la coupes en deux, et puis tu obtiens de la confiture. C'est pas très bon pour la santé. La santé. Moi, je ne m'en fais pas. Les petites misères seront passagères. Je ne m'en fais pas. Anga. Non. On va aller. Hi-a. Anga. Allez. Et dis-je même, je l'ai chassé. Ou ma été, je l'ai chassé, je l'ai même. Trou. Et dis-je même. Cul. Et dis-je, je l'ai dit. Je l'ai dit. Poil. Je l'ai dit. Assiette. Et junte. Je veux manger des assiettes. Et kajawa. J'ai rien à dire. Le temps perdu ne se retrouve plus. Mais. Compte, pêche. Ma mamie me disait. Je veux des calinous. Bah, vendo de kunde rebi. Mais caresse-moi, qu'est-ce que tu fais? Pas, et je passe même, pêche. Tu m'emmerdes. Pêche. Ça fait chier. Silence!